Les patriarches, Alex Mukeni. Ils parlent plus qu'ils font, alors voilà pourquoi je préfère le Mouéné. Mouéné nanga, ko privé nga te love na yo. C'est ma seule raison de vivre et te naïe. Si kanga na protégé yango. Rodrigue Nguesso. Mokolo et loko, ndeba ka valeur yé loko na yé. Cynthia Ngouma. Te perdre dans ma vie. Raoul Étonnant. C'est perdre mon souffle de vie. Izemu Kendi. Wane sili ponanga. Nakosuka wapi papa Jason. Nakozwa mososu wapi nga Rachel. Tracker. Yondo ganya mnanga. Nga mama. Oko misang esclave mou. Wandu. La raison parle mais l'amour chante. Papa. Nako makule na boli mwa tatenda. Les serments d'amour sont comme les vins de marin. Anissé. On les oublie après l'orage. Kanza. La bossana tête naïté. L'apprenti aime avec son cœur, le maître avec sa raison. La rareté du fait donne du prix à la chose. Thierry Kafouba. Des Chimanga. Le duc d'Anvers. Kasumpata, Teka, Papa Floribert Tendai. A déposé des mondes en plan à Bolingwa Tendai. A recruté Ngaye comme joueur réserve anti-manaye. Poubelle et Zaïtule, un chien domestique et courageux. A Lukata viande, oh, Tomoukou à Mouené. Renouvelé Bakor à l'ove, oh, Bide Graine. Prof Diedoné Kalouba Dibois, Maître Paul Djunga. Tendai active love. Active love tek nangaye. Soyo pe a nyongo te papa. Iba yo pe na le kate. Bonyo kome langa interval nandako. Baninga na feti desa denga sangleto e milelo papa. Et pourtant au balango tikinga tikete nandako. Rodrigo Mayemba. Na soyo pe a contrate oh. Figlio del Rey. Na soyo pe a contrate maître tete. Mwana mobali ane na kate na nyako sabino bongo. Jésus plaira botikanga penalela. Zotu silanga ye na koma kokondo. Na koma kokondo nzoto na anga. Attaque sans recul, moto taloba. C'est le feu bolingwa tête naïe. L'homme de Matignon, Jean-Claude Kabongo. Mokonzi Papi Mbouyi, directeur Martin Loupoussa. Gana baby nzoto, titie tumba na sangwe zéro mangoi. Libalez à la capacité, boye gana ye bakite. Soki na landa ki maloba maman yebi saki ngai. Ko si longtemps pour sa fiancée. Ko tiye nanou na monte mateo. Tiye nanou na estomac. Pour telle la situation. Estomac soke sui foka. Malox eko calme situation. Kasi ti la mwana moto. Soke peli moto. Mokanga sala ki sute anko boma moto a la moulwe. Jeje Kamanda. Les hommes sont des monteurs. Loba mamou national. Chala mwana e. Yadjo Kakabite. Fais sa mwana mwabali yo ake a bon. Aye alobi ya balabana Didier Bonomba. E bongo mwasi apesa yo bana otiki ena nani. Dada komi moni mambu. Patrick Emeka ombre jeune. Le roi de l'Ousa. Excellence Didier Boudimbu. Kukule papi toki ndudi. Niki kota akaye. Dadu etambe. C'est un fils du bourgeois. Bibiche de Nani. A ta sang répit. Y'a Flavien Lumba. C'est le fait. Bolingwa tête naïe. Mon directeur Jojovu Chilos Waterloo. Aimé Dollar Mutombo Francisca Pajika. Hey Pachi. Hey. Don't. Chibe Beton Chilombo wetu Before Biselele Papa chéri Chibe Piona Papa Daida Mokonza Bawenge Kwabi Ete Nai Yaya Ika Mwambui Naomi Tenai La Maniaque Chartride Ya Thierry Lankou Albert Kemba Mwene Vwandu President Donne Wata Koga Totori Naya Tembe Oliver Mann Fidolin Mouteba Nalela Pendol Se Festival Hey Julio Mwakadi Espedi Mawonda Kisembo Kananga Mambembe Noel Mutuku Maikele Wapi Thierry Abusae Yajoka Kabingeli